Bonjour à tous, bienvenue dans Demain de Maître, votre émission qui pousse la porte des ateliers d'artisans d'art en Lorraine et en Alsace, à écouter une fois par mois, le vendredi à 18h, rediffusé le dimanche à 10h30. En France, au milieu du 19e siècle, il y avait 86 fondeurs de cloches et seulement 35 au début du 20e. En 2016, il n'en reste plus que 4. Rencontre aujourd'hui dans l'atelier d'André Fauguelet à Strasbourg, fondeur de cloches, créateur et restaurateur d'horloges et de carillons. Spécialisé dans la fabrication de cloches, carillons, joues et de beffrois, l'électrification, l'horlogerie et la restauration de cloches, l'atelier Fauguelet est la seule entreprise en France à détenir tous ses savoir-faire. André Fauguelet perpétue un savoir-faire ancestral remontant au Moyen-Âge. Découvrons ensemble le métier d'artisan campanaire. Jusqu'à 18h30 sur Fadjet, Demain de Maître, animé par Olivia. Bonjour, nous sommes actuellement dans l'atelier Fauguelet à Strasbourg. Bonjour Julien Calcaterra, présentez-vous. Bonjour, donc je m'appelle Julien, j'ai 35 ans et je suis artisan technicien campanaire à l'entreprise Fauguelet depuis à peu près 2 ans. Alors effectivement, nous sommes dans l'atelier Fauguelet avec, on va dire, pour maître André Fauguelet qui est donc artisan technicien campanaire, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que nous faisons tout ce qui tourne autour de la cloche d'église principalement. Et ici à Strasbourg, nous faisons depuis la fabrication de la cloche, donc la coulée du bronze, jusqu'à son installation et son équipement dans les clochers. Comment a commencé l'aventure Fauguelet ? Eh bien, l'aventure de l'entreprise a commencé en 1908 par un des ancêtres de M. Fauguelet, qui à l'époque travaillait principalement dans l'installation des cloches et ce qui était tout nouveau pour l'époque, l'électrification des sonneries. C'est comme ça que l'entreprise a commencé à se développer en remplaçant les sonneurs manuels par des moteurs électriques. Et je crois qu'en 2000, ça marque vraiment un tournant dans l'atelier Fauguelet. Alors effectivement, depuis le début de la création de l'entreprise, l'activité s'est développée avec tout ce qui concerne l'installation, l'équipement des beffrois et des moteurs de sonnerie. Mais en l'an 2000, André Fauguelet a installé une fonderie provisoire au Mont-Saint-Odile pour fêter les festivités de l'an 2000 et pour couler des cloches ici en Alsace au courant de cette année particulièrement festive. Et donc l'activité de fondeur de cloches s'est développée, c'est bien ça ? C'est bien ça, donc à partir de cette année-là, André a décidé de poursuivre l'activité et s'est perfectionné. Et maintenant ici, nous avons une des rares fonderies de cloches en France, toujours en activité. C'est une activité quand même peu commune, puisqu'il ne reste aujourd'hui en France que 4 fondeurs de cloches, dont l'entreprise Fauguelet à Strasbourg. Alors vous êtes actuellement 11 personnes à travailler au sein donc, de l'atelier Fauguelet. Et vous faites appel à des techniques ancestrales du XVIIIe siècle. Des techniques ancestrales qui intéressent les paroisses, les églises, qui viennent vers vous. Et pour ces paroisses, ces églises, c'est pas anodin de faire appel à l'atelier Fauguelet pour une coulée de cloches. Hein. C'est un parcours un petit peu initiatique, un petit peu philosophique. Alors effectivement, la création d'une cloche pour une paroisse ou pour une commune est toujours un événement extrêmement rare et extrêmement festif. Ces paroisses ou ces communes ont recours à nous et nous les accompagnons du choix de la note de musique que doit donner cette cloche, en passant par le choix des décors et des inscriptions, qui est très important, jusqu'au choix des moyens de sonnerie et des méthodes d'installation. Chaque cloche est différente selon l'épaisseur de la cloche. Le son sera différent. Chaque cloche est unique. Hein. Chaque cloche est unique puisque nous travaillons ici selon des méthodes traditionnelles, comme vous l'avez dit, qui sont même plus anciennes que le XVIIIe siècle puisque ces méthodes viennent du Moyen-Âge où on faisait déjà les cloches presque comme on le fait encore aujourd'hui. Et les moules que nous fabriquons, qui sont en argile et en crottin de cheval, sont des moules à usage unique. Donc quand la cloche est démoulée, on casse le moule, et ce qui fait que chaque cloche est vraiment unique en son genre. Alors vous faites la cloche et même vous pouvez réaccorder en termes de son la cloche. C'est très important, ça vous m'expliquez un petit peu hors micro. En effet, puisque une cloche est en premier lieu un instrument de musique qui doit donner une note bien particulière. Autrefois et au Moyen-Âge, on faisait surtout des cloches pour obtenir un timbre et on différenciait les cloches non pas forcément par la note de musique qu'elles donnaient, mais par son timbre et sa façon de sonner. Au XIXe siècle et aujourd'hui, on cherche plutôt à avoir des cloches qui donnent des notes bien définies. Et maintenant, on maîtrise la façon d'accorder les cloches, ce qui ne se faisait pas avant. Donc aujourd'hui, les cloches que nous produisons sont accordées, sont justes pour sonner avec d'autres cloches. Mais nous pouvons aussi accorder des cloches du XIXe siècle ou du XXe siècle qui ne l'étaient pas forcément quand elles ont été faites. L'atelier Fauguelet réalise également des coulées sur site, c'est-à-dire... C'est-à-dire que dans l'esprit de ce qui se faisait jusqu'au milieu du XIXe siècle, nous coulons la cloche directement sur place au pied du clocher de l'église pour laquelle cette cloche est destinée. Alors, contrairement à ce qui se faisait au Moyen-Âge, nous fabriquons le moule de la cloche en atelier, puisque sinon il nous faudrait venir nous installer chez les clients pendant quelques mois, ce qui pourrait être un petit peu compliqué. Mais tout le reste du processus, donc la coulée, le démoulage, se font sur place. Donc nous arrivons quelques jours avant la date de la coulée pour préparer la fosse dans laquelle le moule de la cloche est enterré. Nous fabriquons un four en briques réfractaires avec un creuset. Et nous procédons à la coulée, souvent le soir, puisque c'est particulièrement beau de voir le métal en fusion pendant la nuit. Et nous coulons donc le métal à l'aide de louches. Nous venons puiser dans le creuset le métal en fusion pour le verser dans le moule de la cloche. Et ces cloches, combien de poids peuvent-elles faire ? Alors la plus grosse cloche que nous avons coulée ici à l'atelier était un bourdon qui faisait environ 4 tonnes. Quand même. Oui. Par contre, en coulée sur site, comme les conditions sont un petit peu plus compliquées, puisque nous n'avons pas toute la facilité de l'atelier, on se limite à des cloches qui font environ une tonne, sachant que nous avons coulé une grosse cloche l'année dernière dans les Vosges, à Cornimont. Mm-hmm. Nous avons coulé une cloche d'environ 800 kilos. Alors l'atelier Fauguelet, ce n'est pas que la coulée de cloches, c'est aussi la restauration d'horloges et de carillons. On peut par exemple citer la restauration d'une horloge mécanique, je crois qu'elle est à Andlau. Alors effectivement, les cloches dans les clochers servent à annoncer les offices en sonnant en volée, mais elles servent aussi la plupart du temps à sonner les sonneries horaires. Et pour cela, elles étaient actionnées par des horloges mécaniques que l'on trouve encore assez régulièrement dans l'est de la France. Et donc nous remettons autant que possible ces horloges en état de marche, en les restaurant complètement. Elles viennent ici en atelier où elles sont démontées complètement, nettoyées, remontées et parfois un petit peu modernisées, puisque pour éviter la corvée du remontage quotidien ou hebdomadaire, nous installons des remonte-poids électriques. Effectivement, à l'église d'Andlau, c'est également une horloge mécanique qui actionne toujours les sonneries. Et vous m'avez également parlé, je crois, d'une œuvre que vous avez réalisée à Münster. De quoi s'agit-il ? À Münster, c'est un petit peu différent puisqu'il s'agissait de restaurer le mouvement de l'horloge, mais pour qu'elle n'actionne non plus les sonneries des cloches, mais elle a été transformée en horloge astronomique puisque le mouvement de l'horloge actionne différents cadrans qui donnent les indications du jour de la semaine, du mois, de la date, et comme à l'horloge astronomique de Strasbourg, forcément, un coq qui chante régulièrement. Alors voilà, là on a parlé de coulée de cloches, de restauration d'horloges et de carillons, et aussi de son bien évidemment. On va passer à l'atelier, on va dire, pratique. Vous nous montrez ? Avec plaisir, on peut y aller. C'est parti. Donc là, Julien, on a changé d'endroit, on est toujours dans l'atelier Fauguelet. Alors ici, c'est l'espace fonderie, où nous faisons tout ce qui est fabrication de la cloche, donc depuis la fabrication du moule, la coulée, et ici nous faisons une partie un petit peu particulière qui est l'accordage de la cloche. Là, la cloche sur laquelle je travaille, ce n'est pas une cloche neuve, mais c'est une cloche de la fin du 19e siècle qui n'était pas très très juste, et donc nous la retouchons un petit peu pour l'accorder, pour que la sonnerie soit plus agréable. Thank you. pour accorder une cloche, on vient meuler l'intérieur de la cloche, mais à des endroits bien particuliers. Sur certains endroits, sur la hauteur de la cloche, en fonction de la note que l'on veut rectifier. Et donc là, pour les auditeurs, la cloche, elle est suspendue à une sorte de tréteau, si je puis dire ? Oui, elle est suspendue sur un treuil qui nous permet de régler sa hauteur. Et avec la meule qui est fixe en dessous, on vient meuler l'intérieur de la cloche de façon circulaire à une hauteur bien précise. Et vous, pendant ce temps, vous tourniez la cloche ? Alors, elle tourne toute seule avec la meule, mais moi, je régule la vitesse pour qu'elle ne tourne pas trop vite. Et je vérifie à l'intérieur que la meule agisse bien à l'endroit que j'ai choisi. Et cet acte-là, est-ce qu'il est courant dans l'atelier Fauguelet ? On le fait de temps en temps, puisque donc, comme cette cloche qui est une cloche du 19e siècle, donc une production extrêmement courante, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. C'est pour cela qu'on se permet de les accorder, puisque ce n'est pas une cloche historique. On n'intervient jamais par accordage sur une cloche qui a une valeur historique. Et on intervient parfois sur les cloches neuves, puisque nous calculons leur profil pour qu'elles soient le plus juste possible dès la sortie du moule. Mais pour avoir des notes bien particulières, ça nous arrive de faire quelques petites corrections par accordage sur les cloches neuves pour qu'elles soient vraiment le plus jolies possible. Et là, la cloche que vous venez d'accorder ou que vous êtes en train d'accorder, combien de poids fait-elle ? Alors celle-là, je ne l'ai pas moi-même pesée, mais elle doit faire dans les 300 kilos. Une belle bête, hein ? Une belle bête, mais on va dire une petite bête. Elle est dans la partie basse, on va dire, enfin les... Parmi les cloches, elle n'est pas très lourde. Parce que globalement, vous faites de combien à combien ? Alors ici, à l'atelier, on coule des cloches de 5 kg jusqu'à 4 tonnes. Sachant que la moyenne est entre 200 et 200 kg et 1 tonne à peu près. La cloche donne un son, donc celle-ci à peu près un sol. Mais en réalité, elle donne plusieurs sons à la fois, qui se mélangent et que notre oreille reconnaît comme un son de cloche. Mais nous, avec les diapasons, on va pouvoir analyser 5 sons différents. Et donc les diapasons qu'on utilise sont des diapasons gradués. Et quand la note donnée par le diapason correspond exactement à la note donnée par la cloche, la vibration du diapason fait sonner la cloche. Et c'est là qu'on sait qu'on a la bonne note, et donc on peut lire la note qui est donnée par la cloche. Donc là, vous ouvrez une sorte de tablier dans lequel il y a différents outils. Voilà, donc ce sont les différents diapasons, puisqu'on a du... Alors le plus grave que j'ai, c'est pour une note, un La. Ça ressemble de la... à quoi, l'outil ? Alors le diapason, c'est comme une tige avec... comme une fourche à deux dents, si vous voulez, en métal, avec des petits curseurs qui se déplacent sur chacune de ces fourches. Et ces fourches sont graduées. Et sur ces graduations, on lit les notes de musique. Donc ici, par exemple, celui-là, on a La, Si, Do, Ré, Mi. Et avec des petites graduations qui sont des graduations en 16e de demi-ton. Alors, ces 16e de demi-ton, un 16e de demi-ton, on ne peut pas faire la différence à l'oreille. Mais avec le diapason, on peut trouver ces notes bien particulières. Et on va faire comme ça réagir la cloche pour trouver la note qu'elle donne. Donc là, vous prenez quoi, Julien, comme outil ? On va chercher la note nominale de la cloche. Sur les 5 notes que la cloche donne en même temps, on va chercher la note qui la caractérise. C'est celle qui va donner la note de musique globale. Donc là, je cherche le diapason qui correspond à la note théorique, puisque je sais que cette cloche doit donner normalement un sol. Et vous avez dans votre main droite une sorte de quoi d'ailleurs ? Un petit marteau. En fait, ce petit marteau qui va nous servir à frapper le diapason. Et quand on frappe le diapason, on vient ensuite appliquer le bout du diapason sur la cloche. Donc là, Julien, vous tapez successivement sur la cloche et sur le diapason pour voir si le bruit se rapproche, c'est ça ? Effectivement, moi je n'ai pas l'oreille absolue, donc je n'arrive pas, en entendant la note, à définir tout de suite de laquelle il s'agit. Donc en écoutant la note de la cloche par rapport à la note du diapason, je m'approche au plus près de la note qui est donnée avant de d'appliquer le diapason sur la cloche. Donc, là, on se rapproche, donc on va entendre que quand on vient appliquer le diapason sur la cloche commence à résonner. Donc là, Julien, vous essayez de vous rapprocher petit à petit du même son. Voilà, petit à petit, je règle les curseurs sur le diapason pour trouver au 16e de demi-ton près quelle est la note qui est donnée par la cloche. Il faut quand même avoir l'oreille assez fine, parce que moi, je vous avoue, je n'entends pas de grande différence, mais je pense que vous êtes habitué. Oui, effectivement, il faut être assez attentif et à force, avec un petit peu d'expérience, on y arrive assez facilement. Pour les grosses cloches, puisque plus la cloche est petite, après, plus ça devient compliqué. Donc voilà. Là, vous avez entendu que juste en faisant résonner le diapason, la cloche aussi donne la note. Donc on est bien arrivé à la note qui est donnée par la cloche, puisque c'est la même qui est indiquée par le diapason. C'est effectivement un sol un petit peu bas, rabaissé de quelques 16e de demi-ton. Et ensuite, alors, c'est quoi l'étape suivante ? Eh bien, en fait, on va analyser les quatre autres partiels qui sont donnés par la cloche pour voir si ces partiels sont bien accordés entre eux et s'ils correspondent bien à la note globale que doit donner la cloche. Là, on va chercher le partiel qui est la tierce mineure. Et ce partiel est un petit peu particulier puisque quand la cloche sonne, si on n'est pas attentif, c'est une note qu'on n'entend pas. Mais c'est justement une des notes qui fait tout le charme d'une cloche qui sonne en soliste, puisqu'elle apporte un petit côté mélancolique à la sonnerie en soliste d'une cloche. Donc, si on sonne la cloche toute seule, comme cela, on entend la note sol, alors que si on cherche le partiel tout seul avec le diapason, on entend un si bémol, mais que l'on peut entendre quand la cloche sonne en soliste, quand on fait un petit peu attention à la sonnerie. Donc là, on va écouter le son final que doit donner la cloche. Donc j'ai pris un petit battant, puisque le battant n'est encore pas installé à l'intérieur de la cloche. C'est quoi un battant ? Le battant, c'est la partie... C'est la tige avec une boule qui se trouve à l'intérieur de la cloche et qui vient frapper la cloche quand la cloche se balance. Et c'est ça qui, après, vient donner le son de la cloche. Elle résonne bien, donc elle est plutôt bien réussie. Faites attention que ça glisse un petit peu à cause de la cible. D'accord. Bonjour. Bonjour. Alors là, c'est aussi très représentatif de l'activité de l'entreprise, puisque Sylvain est en train de préparer des poutres qui vont servir à la fabrication de joues pour les cloches. Donc le joue, c'est la partie en bois sur laquelle la cloche est accrochée, en forme de chapeau, si l'on veut, qui se trouve au-dessus de la cloche. Et alors là, qu'est-ce qu'il fait exactement ? Il est en train Là, il est en train de faire la finition de la surface, donc du joug. Il est en train de poncer la surface pour qu'elle soit bien régulière, puisque nous n'utilisons que des pièces de chêne massif. Donc là, pour que le joug soit aussi joli et bien présentable, donc on assure la finition de la surface avant de le monter. Alors ici, on est dans la partie serrurerie et mes collègues sont en train de préparer les ferrures qui vont permettre la suspension de la cloche justement sur le joug. Donc les ferrures sont des tiges métalliques qui viennent accrocher la cloche par ses anses et qui vont être fixées sur la partie en bois pour permettre à la cloche ensuite de se balancer. Et on prépare également le battant. Donc on a parlé tout à l'heure du battant, la partie métallique dans la cloche. Donc ce battant, on le prépare ici aussi. Et on fabrique surtout son système de fixation, puisque ce battant est fixé dans la cloche par une lanière en cuir. C'est ce qu'on a trouvé, du cuir, comme les, alors un petit peu plus épais que le cuir des chaussures, mais c'est ce qu'on a trouvé de plus résistant et de plus souple. Et ce cuir est graissé avec de la graisse de bœuf. Et c'est ce qui permet le fonctionnement idéal d'un battant. On va aller voir. Allons voir. Alors, que fait votre collègue ? Donc là, il est en train de percer une plaque métallique qui, elle, va venir servir à la fixation d'un moteur pour la motorisation de la sonnerie d'une cloche. Puisqu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus beaucoup de sonneurs manuels. Donc ces sonneries manuelles sont remplacées par des moteurs électriques. Alors là, Sébastien est en train de meuler ce qu'on appelle aussi les brides. Donc c'est une partie métallique qui va servir à la fixation de la cloche sur le joug. Donc ça sont les brides qui se trouvent sur le sommet du joug et qui permettent de garder l'écartement de ce système de suspension. Alors tous les découpages et les travaux de serrurerie que vous avez entendus, nous les réalisons ici puisque toutes les pièces que l'on fabrique sont faites sur mesure aux dimensions spécifiques de la cloche et du clocher où elles seront installées. Et donc nous partons de la ferraille brute que nous découpons et que nous forgeons ici à notre atelier pour faire toutes nos réalisations, donc les joues et tous les équipements de la cloche. Alors cette cloche sur ce petit beffroi, c'est une cloche que nous avons coulée il y a quelques années. C'est le prototype pour un profil bien particulier. Donc nous l'avons conservée et comme vous voyez, elle est montée sur sa petite structure en bois avec un moteur. Et on la prête par exemple aux paroisses le temps de travaux. Quand leurs cloches ne peuvent pas sonner, on peut leur prêter pour qu'au moins le temps que les cloches de l'église sont muettes, ils puissent toujours avoir une cloche qui soit en état de sonner. Donc je peux vous faire une petite démonstration si vous voulez l'entendre. Avec plaisir. Le son qu'on entend encore, même quand la cloche a fini de sonner, c'est justement tout ce qui fait le charme d'une cloche et sa résonance. Et cette note que l'on entend là, c'est ce qu'on appelle le oum, ou l'octave grave, puisque quand on entend la cloche sonner, ça fait l'onomatopée oum. C'est le son qui se prolonge assez longtemps, normalement plus d'une minute pour ce genre de cloche. Julien, qu'est-ce qui vous plaît au quotidien ? Alors ce qui me plaît au quotidien ici, c'est que le travail est vraiment extrêmement varié, puisque toutes les églises sur lesquelles nous intervenons sont différentes, toutes les installations sont différentes, et on fait toujours de très belles découvertes dans les clochers, ou avec toutes les cloches que l'on voit passer. Un exemple qui vous a particulièrement marqué ? Alors un exemple fort intéressant, c'était par exemple notre intervention sur le bourdon de la cathédrale de Metz, qui est une cloche qui fait quand même 9 tonnes et que nous avons remis en état de sonner l'année dernière, alors qu'elle n'avait pas sonné depuis 1919. Ça doit être assez émouvant, non, quand même, d'assister à ça. Ah oui, c'était très impressionnant. La petite déception, c'est que cette cloche était donnée comme pesant 11 tonnes et nous l'avons pesée, finalement, elle n'en fait que 9. Le projet le plus fou de l'atelier ? Alors je pense que tous les projets sont un petit peu fous puisqu'ils sont tous un petit peu originaux. Mais un des projets les plus originaux que nous avons réalisé dernièrement, c'était en début de cet été, où dans un petit village près de Perpignan, Nous avons fait une coulée sur site, mais les cloches que nous avons coulées étaient un petit peu particulières, puisqu'elles ont été faites d'après le modèle de deux cloches qui se trouvaient sur place, mais qui sont des cloches du XIVe siècle, ce qui est extrêmement rare en France. Et donc nous avons reproduit le profil, c'est-à-dire les formes de ces cloches, pour faire deux nouvelles cloches qui seront accordées avec ces deux anciennes, mais qui donneront des notes différentes, mais qui ont l'allure de cloches du Moyen-Âge. Quels conseils pourriez-vous donner à des jeunes qui sont en formation, qui souhaitent devenir donc artisans, techniciens, campanaires ? Le conseil que je peux leur donner, quel que soit le domaine dont ils seraient originaires, puisque nous avons des activités extrêmement variées, c'est vraiment d'être passionné, d'être assez minutieux, et d'aimer le travail bien fait, même si parfois c'est assez compliqué, si les conditions de travail sont pas toujours très faciles, puisque on est amené à travailler dans les clochers, en hauteur, à l'extérieur, dans le froid parfois, mais c'est toujours, quand le travail est bien fait, bien réussi, c'est toujours vraiment une grande satisfaction. Et en parlant de vos clients, qui commande des cloches, qui commande de la restauration d'horloges ou de carillons ? Alors ce sont principalement les communes ou les paroisses qui nous font ce genre de commandes. Souvent les communes commandent ce qui concerne principalement les horloges, les cadrans d'horloges et les sonneries horaires. Et les paroisses commandent principalement les cloches pour les sonneries cultuelles. Mais selon les endroits, c'est assez variable et il y a souvent une bonne entente entre les deux. Donc la commande se fait même parfois de façon commune entre paroisses et villes. Et je crois même que vous avez des commandes assez lointaines, hein, n'est-ce pas ? Effectivement, pour ce qui concerne la fonderie de cloches, nous avons des cloches qui partent à l'étranger, puisque nous avons des cloches qui sont prévues pour partir bientôt en Afrique. Et nous en avons expédié une il y a quelques temps au Canada. Au Canada, vraiment, c'est une entreprise qui ne connaît pas les frontières. L'atelier Fogueleux réalise non seulement des coulées de cloches, des restaurations d'horloges et de carillons, mais également des cadrans. En effet, nous fabriquons aussi nous-mêmes les cadrans d'horloges qui donnent l'indication de l'heure à l'extérieur du clocher ou des mairies, comme on peut le rencontrer parfois. Et nous faisons donc des cadrans traditionnels en métal, comme on en rencontre souvent sur les églises, mais nous faisons aussi des cadrans en bois, comme cela se faisait beaucoup au Moyen-Âge, et nous en avons réalisé par exemple un en bois assez coloré pour l'église Saint-Jean-Goux de Toul. Nous avons travaillé récemment sur les cloches de la cathédrale de Fréjus, que nous sommes en train de restaurer avec notre filiale qui se trouve dans la région PACA. Et en fait, une de ces cloches était en trop mauvais état pour pouvoir être restaurée. Et comme elle n'avait pas non plus une valeur historique, donc la DRAC de la région PACA a décidé de la refondre. Et donc nous avons refondu cette cloche ici pour faire une nouvelle cloche pour la cathédrale de Fréjus. Et ce qui était intéressant, c'est que nous avons travaillé sur l'iconographie et sur les inscriptions. Donc la cloche neuve reprend une partie des décors de la cloche ancienne, mais de façon contemporaine. Et avec des décors nouveaux, complètement nouveaux, pour les compléter. Et pour les inscriptions, c'est un petit peu pareil. Nous avons repris le même texte d'origine que les inscriptions qui étaient sur la cloche ancienne, mais pas les mêmes parties du texte. En fait, les nouvelles inscriptions de la cloche neuve viennent compléter les inscriptions qui se trouvaient sur l'ancienne cloche, avec un son meilleur et juste. Quelle est votre actualité ? Alors l'actualité cette année, après avoir travaillé, bien, comme je le disais, sur la cathédrale de Metz et la cathédrale de Fréjus, nous avons travaillé sur la basilique royale de Saint-Denis, où sont enterrés les rois de France, oui. Puisque nous avons remis le bourdon, nous lui avons installé une sonnerie automatique, puisque jusqu'à présent il pouvait être sonné uniquement au pied, et nous avons installé une motorisation afin qu'il puisse sonner plus facilement sans avoir besoin de 4 personnes pour le sonner. Et prochainement, nous allons travailler sur la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay, qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous avons des travaux prévus sur le beffroi d'une des tours de cette basilique. Pour terminer, Julien, un message peut-être à nos auditeurs qui nous écoutent et qui, sait-on jamais, souhaiterait peut-être se lancer dans la coulée de cloches ou du moins pour devenir artisan technicien campanaire. Alors je pense que ce qui est l'essentiel, c'est de faire attention aux sonneries des cloches et de bien être attentif à ce qu'elles sonnent, puisque les cloches donc, sont des instruments de musique qui donnent des sons vraiment intéressants quand on veut bien se donner la peine de les écouter. Et aussi, souvent, c'est leurs équipements et leur milieu qui font que une cloche peut nous agacer ou une cloche peut nous plaire. Donc, être attentif à la sonnerie de cloche, essayer de la comprendre, essayer de savoir son histoire et d'où elle vient et pourquoi elle sonne. Et en faisant tout ça, je pense qu'on peut trouver un intérêt particulier aux sonneries des cloches. Et ce n'est pas seulement la cloche qui nous réveille le dimanche matin. Et justement, pour terminer, puisque dans quelques jours, ce sera Noël, vous m'aviez expliqué, Julien, en antenne, que, vous le disiez à l'instant, le son d'une cloche, il n'est pas seulement lié à la fabrication de la cloche, mais aussi à l'environnement, et que, par exemple, parfois, si on est au pied du clocher, le son peut être très difficile à entendre, et à l'inverse, au contraire, très joli. Pourquoi ? Effectivement, la cloche elle-même va donner un son bien particulier, mais tout son environnement dans le clocher vont favoriser ou défavoriser la diffusion du son. Par exemple, les abat-sons, les abat-sons sont les petites persiennes qui ferment les fenêtres des clochers, selon leur inclinaison, vont favoriser la diffusion du son, soit au pied du clocher s'ils sont trop inclinés, et là ce sont les habitants autour de l'église qui en ont plein les oreilles. Aujourd'hui, par exemple, nous favorisons des abat-sons moins inclinés qui favorisent la diffusion du son aux alentours de l'église pour que le son soit plus agréable à entendre quand on est autour de l'église. Et pour que tout le monde en profite, merci beaucoup encore Julien de nous avoir reçus ici donc à la société Fogelet à Strasbourg en Alsace. Merci à vous. Merci à vous et bonne fête de fin d'année au son des cloches. Merci à toute l'équipe de l'atelier Fogelet de m'avoir reçu avec une mention spéciale pour Julien Calcaterra. Retrouvez les photos et les créations de l'atelier Fogelet sur la page Facebook de Main de Maître, ainsi que toutes les informations pour devenir artisan technicien campanaire. Je dédie cette émission à mes 4 magnifiques grands-parents, avec une pensée toute particulière pour ma mamie Gabi. Cette émission, c'est en partie grâce à toi mamie et à ton papa que je n'ai jamais connu artisan forgeron. Ton enthousiasme pour mes émissions m'a beaucoup aidé. Tu m'as inculqué les valeurs du travail bien fait, de la générosité et de la curiosité. Merci mamie pour ton élégance, ta gentillesse et ta bienveillance. Merci de m'avoir guidée tout au long de ta vie, j'ai eu beaucoup de chance. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Rendez-vous en 2017 pour une nouvelle année de découvertes au cœur d'ateliers d'artisans d'art.